ta vie n'est pas écrite dans un livre. J'ai besoin de tout savoir. Chemise à franges, Lola, tout le monde sait que tu n'es pas un ange. J'ai besoin de tout savoir. Les politiques aux artistes.